et tous, Pierre, Jacques, Gaspard, leur criaient aussi de revenir. Nos voix les arrêtèrent une minute, mais elles continuèrent ensuite d'avancer. Maintenant, ils se trouvaient au coude formé par la rue, en face de la maison Rimbaud, une haute bâtisse dont le toit dépassait celui des maisons voisines de 3 mètres au moins. Un instant, ils hésitèrent. Puis Cyprien monta le long d'un tuyau de cheminée avec une agilité de chat. Aimé, qui avait dû consentir à l'attendre, restait debout au milieu des tuiles. Nous la distinguions nettement, serrant ses enfants contre sa poitrine, toute noire sur le ciel clair, comme grandie. Et c'est alors que l'épouvantable malheur commença. La maison des Rimbaud, destinée d'abord à une exploitation industrielle, était très légèrement bâtie. En outre, elle recevait en pleine façade le courant de la rue. Je croyais l'avoir tremblé sous les attaques de l'eau. Et, la gorge serrée, je suivais Cyprien qui traversait le toit. Tout à coup, un grondement se fit entendre. La lune se levait, une lune ronde, libre dans le ciel, et dont la face jaune éclairait le lac immense d'une lueur vive de lampe. Pas un état de la catastrophe ne fut perdu pour nous. C'était la maison des Rimbaud qui venait de s'écrouler. Nous avions jeté un cri de terreur en voyant Cyprien disparaître. Dans l'écroulement, nous ne distinguions qu'une tempête, un rejaillissement de vagues sous les débris de la toiture. Puis, le calme se fit. La nappe reprit son niveau avec le trou noir de la maison engloutie, hérissant hors de l'eau la carcasse de ses planchers fendus. Il y avait là un amas de poutres enchevêtrées, une charpente de cathédrale à demi détruite. Et entre ces poutres, il me semble avoir un corps remué, quelque chose de vivant, tenté des efforts surhumains. « Il vit !» criai-je. « Ah, Dieu soit loué, il vit !» Là, au-dessus de cette lampe blanche, que la lune éclaire. Un rire nerveux nous secouait. Nous tapions dans nos mains de joie, comme sauvés nous-mêmes. « Il va remonter !» disait Pierre. « Oui, oui, tenez !» expliquait Gaspard. « Le voilà, qui tâche de saisir la poutre, à gauche !»